que tu étais bonne et ce jour-là, cousine. Oh, que tu étais bonne et ma foi. Mais est-ce que t'as été conne ce jour-là, coquine? Est-ce que t'as été conne, ma foi? Je suis tombé net amoureux de tes formes, de ton beau petit cul parfumé au Lancôme. Oh, que tu étais bonne ce jour-là, cousine. Oh, que tu étais bonne, ma foi. Mais est-ce que t'as été conne ce jour-là, coquine? Est-ce que t'as été conne, ma foi? Je n'avais qu'une envie de toucher dans mon lit, retirer tes collants et ton soutif aussi. Oh, que tu étais bonne ce jour, la cousine. Oh, que tu étais bonne, ma foi. Mais est-ce que t'as été conne ce jour, la coquine? Est-ce que t'as été conne, ma foi? Oui, j'ai pourtant senti que mon corps t'attirait, mais malheureusement, nous, on n'a pas tiré. Tant pis, à la prochaine, je ne te raterai pas. Tous nos fantasmes seront exaucés ce soir-là.